Et voici le troisième épisode de notre semaine consacrée au peintre Soulage. Je suis heureux d'être arrivé à ne pouvoir faire que de la peinture, d'essayer d'arriver à ne pouvoir que peindre. Jeunesse de Soulage et les vitraux à Conques, les couleurs de la lumière. Ce paysage sauvage situé aux confins du Rouergue et de l'Auvergne, ce chemin naturel qui ressemble plus à un ravin qu'à une vallée, des milliers et des milliers d'hommes l'ont connu il y a 8 siècles. Nous sommes en effet sur un itinéraire qui n'existe plus de nos jours, un itinéraire qui menait alors tous les fervents du monde catholique vers Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est à Conques, dans cette petite ville romane que vous allez découvrir dans un instant, que les innombrables pèlerins d'alors venaient chercher dans cette étape repos et réconfort avant d'entreprendre la dernière partie de leur voyage. Aujourd'hui, il reste une atmosphère de légende et des noms d'autrefois évocateurs d'histoire. Le roc des martyrs, le chemin de Charlemagne, le camp des Maures, le château des Anglais. Mais il reste aussi les vestiges encore grandioses d'une ville fortifiée, ceux d'une abbaye que beaucoup considèrent comme la plus représentative du style roman. Enfin, un trésor religieux inestimable. Tout cela, c'est Conques. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Soulage est né non loin de Conques, à Rodez, il y a 100 ans, précisément, le 24 décembre 1919. À dire le vrai, la réputation de Conques doit beaucoup à un vol. Au début de l'époque carolingienne, c'était juste un très modeste monastère. Mais en 866, un de ses moines, abusant la confiance de ses hôtes d'une autre abbaye, près d'Agen, y avait subtilisé le crâne de Sainte-Foy, une enfant martyre de l'époque romaine. Et imperturbable, il l'avait rapporté chez lui à Conques. Dans le vocabulaire clérical du Moyen-Âge, on parle de translation furtive de reliques. Transaction si furtive qu'aujourd'hui elle est carrément tue par le chanoine prémontré qui fait visiter aux enfants l'abbatiale qui continue d'abriter la célèbre statue reliquaire toute d'or vêtue. Mais qui est Sainte-Foy ? Début du 4e siècle, les Romains occupent le terrain et ils veulent imposer leur discipline religieuse, le culte des idoles et le culte de l'empereur. Mais voilà, une fille de 12-13 ans. Elle se fait arrêter, emprisonner, l'heure est grave. Alors, le juge va proposer une solution. Il va proposer à la jeune fille de faire semblant d'adorer les idoles, de mettre quelques grains d'encens devant la statue de la déesse Diane, et elle serait libre. Voulez-vous bien mettre quelques grains d'encens, puis on vous libère. Vous voulez rester chrétienne, vraiment ? Je suis chrétienne. Vous dites ? Je suis chrétienne. Dites-le plus fort. Je suis chrétienne. Je sais, bien sûr. Bon, c'est votre dernier mot, le mien, c'est la peine de mort. Garde, amenez un grill. On amène un grill, on attache la fille, on met le feu. Sainte-Foy et son abbatiale, dont la construction a commencé au milieu du XIe siècle, ont parti liés avec l'Espagne. L'Espagne du pèlerinage de Compostelle, l'Espagne de la Reconquista. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi que le guide prémontré qui mobilise les enfants d'aujourd'hui n'a pas une petite allure de Reconquista. Le professeur de Rodez, qui, au début des années 1930, accompagna à Conques le petit Pierre Soulage, était sans doute plus discret, mais la visite qu'il avait organisée eut de l'importance. Il y a des choix importants à faire et cela, je les ai faits le jour où j'ai décidé de n'être que peintre. Et c'était à quel moment, Soulage ? Oh, très jeune. Très, très jeune. Je devais avoir 12, 13 ou 14 ans, enfin. Est-ce que vous pouvez encore bien préciser dans vos souvenirs ce moment, cette décision ? Ah oui, mais c'est une chose que j'ai toujours, que je raconte tout le temps, que je peux le répéter, bien sûr, mais... C'était, je crois, enfin ça coïncidait avec une visite que j'avais faite à une abbaye romane. Ah, c'est Conques. Conques, voilà. puisque vous êtes né à Rodez. Voilà, Conques. Et c'est une chose qui m'avait beaucoup impressionné. La sculpture, l'architecture, et à travers tout ça, plus que la sculpture, l'architecture, l'art. Cette manière de refuser la virtuosité. Enfin, de refuser. Qu'avaient, à mes yeux, à cette époque, les sculpteurs romans de Conques. Quand le professeur nous a montré ça, le professeur qui nous accompagnait, qui nous avait convoyé jusque-là, nous montrait ça, il nous parlait de la maladresse. Et ça m'avait profondément révolté. Enfin, je ne comprenais pas. Ça me paraissait beaucoup mieux, ainsi, maladroit, comme le voyait ce professeur, que si cela avait été adroit et bien fait. Ce qui comptait pour moi, à travers cette maladresse, prétendue maladresse, ce qui comptait, et ce qui me remuait, c'est ce qui me paraissait hors de ce problème, virtuosité, maladresse. C'était quelque chose qui allait au fond de moi, au-dedans de moi, à tel point d'ailleurs que, à partir de cette visite, je m'étais dit, au fond, il n'y a que ça d'important dans la vie. Et c'est, je crois, à ce moment-là que, au fond de moi, j'avais décidé de me consacrer entièrement et de ne m'occuper entièrement que d'art. Ça me paraissait beaucoup mieux mal à droit que si ça avait été à droit, dit Soulages à Roger Bouillot dans des entretiens de 70 sur France Culture auxquels nous empruntons beaucoup. Soulages aura plus tard une polémique avec Claude Lévi-Strauss sur le thème du métier. Lévi-Strauss, dans un article du Débat, avait célébré les vertus des anciens métiers perdus. Soulages répondra dans la même revue « L'habileté, la virtuosité ne sont pas nécessairement des qualités. » C'est pour cela qu'il a tourné le dos au lieu d'enseignement, qu'il n'a pas voulu non plus s'agréger à quelque école que ce fût. Chez les peintres, dit-il, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les qualités qu'ils partagent avec un groupe, mais ce qu'ils font chacun de singulier et qui donc ne leur vient pas facilement. Soulages a toujours travaillé ainsi. Et il est déjà apprécié, connu même, lorsqu'il revient à Conques sur le coup de la quarantaine. Nous étions avec quelques amis. Je les ai amenés à Conques. J'étais en voyage. J'étais allé voir ma mère à Rodez. Et nous avons voulu voir Conques. Alors nous sommes allés à Conques, nous avons visité l'église, nous avons vu le tympan, nous avons vu les chapiteaux, nous avons voulu voir le trésor. Nous avons vu le trésor, il n'y avait pas Sainte-Foy. Alors le moine qui était chargé de la visite a répondu à ma question, mais oui, Sainte-Foy, on ne l'expose pas en ce moment parce qu'il y a des orfèvres de Paris qui sont là pour la restauration, pour une vérification. Ah, je dis, mais... est-ce qu'on ne peut pas la voir? Absolument pas, me dit le moine. Elle est démontée, elle est en pièces détachées. Mais enfin, j'ai insisté. Et alors, devant mon insistance, le moine, très, très gentiment, est allé demander, est entré dans une pièce et est allé demander aux orfèvres qui étaient là pour cette restauration, cette vérification, si on ne pouvait pas nous montrer quand même cette statue. Et il est revenu, au bout de quelques instants, en me disant, justement, ils ont fini... ils acceptent que vous veniez, mais vous savez, elle est démontée, elle est sur une table en morceaux. Je trouvais ça abominable. Abominable au fond de moi. Mais enfin, je me dis très bien, on va la voir quand même. Alors, nous sommes rentrés. Et nous avons vu des gens en blouse grise, comme ça. Et ils m'ont dit, bah, vous connaissez bien cette stature? Je dis, oui, je la connais bien, je l'ai vue souvent. Eh bien, puisque vous la connaissez, remontez-la. Alors là, je me dis, mais bien sûr. Alors j'ai pris la chaise, j'ai pris le corps, et à ce moment-là, je me suis aperçu que mes mains se mettaient à trembler. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bâtir de lumière à Conques, Pierre Encrevet, un ami très proche de Soulages qui vient de disparaître après avoir commencé à préparer l'exposition du Louvre, dit que les variations de l'arietta finale de la sonate opus 111 de Beethoven, ici interprétée par Michelangeli, ont à voir avec les variations de lumière que sait provoquer le noir chez Soulages. Le noir. Et puis un mot de l'outre-noir avant de revenir à Conques. Il arrive à Soulages de connaître des combats avec l'ange. Ainsi, un jour de 1979, il pataugeait dans son noir jusqu'à s'apercevoir que, dans l'étalement de cette peinture noire, les différences de texture, en captant ou en refusant la lumière, faisaient naître des noirs gris, des noirs profonds, etc. Alors, le noir, c'est cette lettre, en devenant émetteur de clarté, de lumière. Un autre Soulages naissait, celui de l'outre-noir. Eh bien, le Soulages des vitraux de Conques va en appeler pareillement aux variations de la lumière et aux déplacements de regard du spectateur. Les vitraux de Conques. En 1986, on est à une autre époque du ministère de la Culture qu'aujourd'hui, Jacques Lang attend des chefs-d'œuvre qu'il pourrait faire partager. Et avec son délégué aux arts plastiques, Claude Mollard, il propose à Soulages de refaire les 104 ouvertures de l'abbatiale de Conques. Cette abbatiale a décidé de la vocation du peintre, au motif qu'il faut toujours se mettre dans l'état de commencement. Soulages accepte. Il ne sait pas alors qu'il s'engage dans un très long combat. Non pas un combat avec l'ange, mais d'abord un combat politique. La gauche perd en effet les législatives en 1986. Lang est remplacé par Léotard, Claude Mollard par Dominique Bozeau. Heureusement, celui-ci apprécie beaucoup Soulages. Et à l'arrière, Claude Pompidou, la veuve du président, est à la manœuvre. Au bout de plusieurs mois, le projet est sauvé à Paris. Et puis, en 1988, revient Jacques Lang, redivivus. Mais voici qu'après les tergiversations de la capitale, montent les oppositions locales attisées en sous-main par l'architecte des bâtiments de France qui déteste Soulages où qu'il soit. Le reportage de France 3 que voici, début 89, est tout nourri de ces oppositions. C'est à sa double qualité d'enfant du pays, né à Rodez et d'artiste contemporain mondialement reconnu, l'un de ceux qui cotent le plus aujourd'hui sur le marché de l'art, que Pierre Soulages doit le privilège d'entrer à Conques et d'y entrer non pas par la grande porte, mais plus royalement par les vitraux, ceux de l'abbatiale. Il est chargé de les refaire entièrement et ce n'est plus d'un vague projet qu'il s'agit là, mais bien d'une commande ferme du ministère de la Culture. Curieusement, ce n'est pas de l'Aveyron qu'est venue la tempête de protestation à laquelle on pouvait s'attendre s'agissant d'un artiste aussi abstrait que Soulages. Les remous sont limousins. C'est dans les ateliers Chigou-Parot de Limoges qu'avait été exécuté entre 1947 et 1955, sur le thème de la vie de Sainte-Foy, les vitraux qui ornent l'abbatiale de Conques. On ne détruit pas une œuvre qui a été créée parce que c'est une œuvre très caractéristique de la période art déco, des arts limousins. C'est ce qui nous a beaucoup surpris, qu'une décision ait pu être prise sans l'avis de personnalités locales, et notamment ceux qui ont contribué à créer ces vitraux. Et c'est pour ça que nous militons pour qu'elles restent en place. Va pour des vitraux de Soulages, estime pour sa part le maire de Conques, que dans la mesure où c'est l'État qui les a commandés, qui les paiera. Les vitraux actuels, étant la propriété de Conques, et ça fait pas l'ombre d'un doute, resteront à Conques. Ils seront entreposés en attendant que nous puissions ouvrir notre centre européen de culture romane, et nous verrons à ce moment-là de les remettre à la disposition du public de façon qu'ils puissent en bénéficier. Toute polémique à part, celle sur le coût de l'opération comprise, le projet se montera à plus de 10 millions de francs, de quoi financer quelques-unes de ces initiatives culturelles dont le milieu rural aurait bien besoin, l'idée d'introduire l'art moderne parmi les vieilles pierres de Conques apparaît bien séduisante. Enfin, pas à tout instant aux journalistes de France 3. C'est l'État français, capitale Vichy, pas si loin de l'Aveyron, qui avait commandé, pour remplacer les fenêtres en grisaille d'autrefois, en 1942, les vitraux historiés et colorés qu'il avait confiés à Parot et Chigaud. Pas de chance pour Soulages. Chigaud a un petit-fils qui défend mordicus son œuvre et c'est l'influent Hubert Védrine, le secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand. Enfin, celui-ci va finir par accepter la dépose et le transfert des vitraux de son grand-père dans le centre culturel européen que veut créer le maire. Mais de nombreux habitants de Conques trouvent que le centre du maire, ça coûte les yeux de la tête. Et un message est lancé, Conques aux Conquois. Dans un long reportage d'un récent numéro de La Croix l'Hebdo, Sabine Gignoux fait référence au message souvent haineux que contient, pendant cette longue période difficile, le livre d'intention de prière installé au bas de la nef. D'ailleurs, les prémontrés qui desservent l'abbatiale ne sont pas les derniers à contester férocement Soulage. Eux aussi préféreraient le maintien des vitraux en place. À quoi le peintre répond, mais enfin, vous n'êtes pas dans une boîte de nuit avec au plafond une boule à facettes multicolores. L'art, c'est un renoncement. C'est ce que dit aussi l'historien Georges Duby, qui est très écouté à l'époque et qui va défendre Soulage au nom d'une tradition du Moyen-Âge, celle de Saint-Bernard. L'abbatiale de Conques n'est pas une église cistercienne, mais la manière de voir cistercienne peut lui apprendre beaucoup. Or, les cisterciens pratiquaient un triple renoncement à la couleur, qui est sensualité, aux traits, dont les accents sont l'expression d'une sensibilité trop individuelle, à la figuration, car la simple apparence des choses ne mérite pas attention. Un autre grand médiéviste vient au secours de Soulage, c'est Jacques Le Goff que voici dans un dialogue avec le peintre. Toute l'affectivité qui était celle qui était la mienne dans ce lieu, j'ai essayé de l'évacuer pour voir les choses le plus concrètement, le plus objectivement possible. Et j'ai pris les plans. Et puis, je ne me suis pas contenté des plans. Je suis allé prendre des mesures, moi-même. Non pas celles qui étaient évidemment bonnes dans les plans, comme la longueur par rapport à la largeur. Comme... Et puis, à partir des constatations que j'ai faites, j'ai commencé à imaginer les vitraux que je pourrais faire. Et pourquoi me demandait-on des vitraux ? C'était aussi la question. Et pourquoi à Conques, puisqu'il y en avait là qui avaient déjà été faits, probablement commandés pendant la période de Vichy, et en tout cas mis en place, je crois, en 46 ou 45. Mais il n'y a plus de vitraux du Moyen-Âge à Conques. Aucun. Alors la question était aussi, quels doivent être ces vitraux ? Voilà. Alors nous étions au sud de la Loire. Déjà, je crois qu'au sud de la Loire, il n'y avait pas beaucoup de vitraux colorés. C'était, d'après ce que j'ai su, c'était... Le vert coloré, en tout cas, n'avait pas pénétré dans ces régions. Tu vois pas tout. Comment avez-vous confronté, Pierre, votre propre sens de la lumière avec celui que vous captiez, que vous observiez, là ? Parce que ce qui me paraît, tout à fait, encore une fois, tout à fait passionnant, c'est la rencontre entre un artiste de la seconde moitié du XXe siècle et une église du XIIe siècle, avec au centre ce problème, qui est le problème de la lumière. Parce que c'est le problème central, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, tout à fait. Et une organisation de la lumière. Et une organisation qui correspond finalement aussi à l'organisation de l'espace. Et cette conjonction de l'organisation de la lumière et de l'espace, ça ne doit pas être dissocié. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé. Quand on m'a commandé ces vitraux, ça a été de dire « Oh là là, Soulage va faire des vitraux noirs ». Parce que c'est quand ces gens-là regardent mes toiles, ils ont le noir dans la tête. S'ils la regardent avec leurs yeux, ils s'aperçoivent bien qu'il y a des reflets, que c'est là-dessus que ça s'organise. Pierre, je voulais vous demander aussi, à propos de ces vitraux et de votre œuvre à Conques, quelque chose qui me paraît très important, parce que là encore, il y a, je crois, un de vos soucis les plus grands dans votre création d'artiste, et je crois aussi une des visées esthétiques les plus importantes du Moyen-Âge, c'est la matière. Oui. Alors, la matière, là, c'est la lumière. Mais ce que je voulais surtout, c'est ne pas considérer les fenêtres comme des trous. Parce que même dans l'idée cistercienne, il y a l'abondance des plombs qui fait barrage. Mais enfin, à travers le verre, on voit quand même si derrière ce sont des arbres, si ce sont des... Enfin, on voit quand même un petit peu quelque chose. Et là, je voulais fermer. Je voulais qu'on ne voit rien. D'abord, parce qu'il y a des bâtiments à côté qui ne sont pas tellement heureux, d'une part, mais pour une raison beaucoup plus importante, c'est que je tenais à ce que le verre continue la surface du mur. Justement pour que l'importance des proportions et du sacré de ces proportions ne soit pas perturbée par le spectacle extérieur. Si l'Église honore Dieu essentiellement dans des églises, c'est pour créer un espace intérieur. Et je pense que la société médiévale et les artistes médiévaux ont eu le sens le plus poussé, justement, de l'intérieur. Et de l'intériorité. Et de l'intériorité, exact. Et alors, est-ce que vous avez pensé à une nature de verre particulière ? C'est là que j'ai commencé. Ouais. Je me suis dit, puisqu'il faut une lumière, il faut d'abord trouver quelque chose qui la produise. Et alors j'ai commencé à me dire, mais au fond, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est quelque chose qui soit comme de l'albâtre. L'albâtre m'était interdit. Ce n'était pas fait pour de l'albâtre. L'albâtre est un matériau fatalement épais et qui ne convenait pas à l'architecture. Et par ailleurs, les monuments historiques avaient bien insisté pour que je fasse un montage au plomb. Alors, il me fallait donc un verre qui ait quand même des qualités comparables à l'albâtre, mais qui ne soit pas, à mes yeux, jaune. L'albâtre est jaunâtre. Oui. Et introduire une couleur dans ce qui est déjà un grand raffinement de couleurs dans les pierres, ça me paraissait une erreur. Alors, je me suis mis à la recherche d'un verre, mais d'un verre à transmission diffuse de la lumière. C'est-à-dire, le regard ne peut pas traverser, mais la lumière passe. Alors, le résultat de cette transmission diffuse, c'est ce que je sentais nécessaire à Conque, c'est que la surface même de la fenêtre devient émettrice de lumière. La lumière ne vient pas de l'extérieur pour traverser le verre. La surface elle-même est émettrice de lumière. Justement, il y a une qualité à ce moment-là métaphysique de la lumière. Et ça, je l'ai cherché dans les verres existants. Alors j'ai fait le tour de tous les verres existants depuis Mourane ou en Angleterre. Je suis allé à Augsbourg où il y a eu les premiers vitraux les premiers à Augsbourg, il y a de l'albâtre et de l'onyx. Mais enfin, je ne trouvais pas. Et alors là, je me suis lancé dans une folie, littéralement. Je me suis dit, puisque ça n'existe pas, on va le faire. On comprend que Soulages, qui est un autonome, un anarchiste à sa manière, n'entend pas faire comme tout le monde. Il ne veut pas partir d'une esquisse qu'il aurait coloriée, que le maître verrier, en l'occurrence ce sera Jean-Dominique Fleury, exécuterait. Il veut, la matière étant la lumière, partir d'un matériau, d'un verre particulier, en fonction duquel créer les effets qu'il attend. Il est aidé par une jeune Hollandaise, Anneke Fokkelman, et il va mettre 2 ans de recherche en laboratoire pour mettre au point ce verre, dont il parle à l'instant, où il veut des agglomérations de grains de différentes grosseurs afin de produire des cristallisations de densité variées qui transmuteront, pourrait-on dire, la lumière. Ceci obtenu, il va falloir trouver une usine qui accepte de mettre la formule en œuvre. Le récit de toutes ces pérégrinations qui vont durer des années dans un film de Jean-Noël Christiani. En janvier 88, je fais les premiers essais. Centre international de recherche sur le verre, à Marseille. Ça marche pas bien parce que il n'est pas parallèle ce truc, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas précis ça. Après des mois et plus de 350 essais à Marseille, en juin 88, j'en commence d'autres, systématiques, au laboratoire de recherche de Saint-Gobain, à Aubervilliers. Oui, mais seulement là, ça ne va pas parce qu'il y a un indice de salissibilité qui est trop grand. Exactement. Ça, oui, il y a un risque là-dessus. Mais seulement, ils font très beau quand vous les regardez comme ça, la lumière. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est... Ça, c'est pas ça. Oui, c'est un côté très, très, très riche, mais à mon avis, trop. presque un côté... Ouais. Un peu kitsch comme ça. Je trouve, non, oui, c'est sûr. Je préfère quelque chose de plus calme. Ouais. Et de moins joaillerie. Et... Ouais. On devine que Saint-Gobain va renoncer à construire un four tout à fait spécial. Et l'usine ne sera trouvée, au final, qu'en Westphalie, elle dispose de la technologie ad hoc. Nous étions donc dans un film de Jean-Noël Christiani, intitulé « Les vitraux de Soulages ». Il faut noter qu'il est rare de voir et d'entendre le peintre au travail. Roger Vaillant avait obtenu de lui, en 1961, de faire entrer un photographe dans son atelier, puis Jean-Michel Meurice de le filmer peignant. En 1963, plus longuement, en 1979. Alors, toujours dans le film de Christiani, nous voici maintenant avec le maître verrier qui vient de Toulouse. Je rappelle qu'il s'appelle Jean-Dominique Fleury. Sur les cartons blancs qu'a préparé Soulages, des traits de ruban adhésif noir figurent les plombs et les barlotières, les traverses de fer qui vont fixer les vitraux. Soulages évite les orthogonales, dominantes dans l'appareil de pierre ocre de l'abbatiale. Il veut évoquer un souffle plutôt que redoubler la pesanteur des murs. À Paris, avril 90, le verrier Jean-Dominique Fleury travaille avec moi à un carton. Premier essai en grandeur réelle. Celle-ci. Oui. Il faudrait descendre un tout petit peu ici de 2-3 mm. Hein? D'accord. Et aller là. Hein? Et remonter un petit peu peut-être ici. C'est un peu raide. Ouais. De là jusque là. Celui du dossier aussi est un peu raide. Ça donne une certaine nervosité, c'est fois que c'est trop complaisant. Mais à moins que ce soit le deuxième qui faille remonter légèrement. Je crois qu'il faut remonter légèrement le deuxième. Le deuxième, le sommet du deuxième. Celui-là ? Oui, tu le remontes de 3 mm. De toute façon, là... Et après, on fera celui-là. Avec mais là, il y a un problème aussi, je pense. Oui. Je pense que c'est là. Hein. Oui. C'est ici, là. Voilà. Et 94, enfin l'inauguration. 8 ans après le début de l'aventure, les deux dernières années, Soulages a cessé de peindre, entièrement requis par l'abbatiale. De l'intérieur, les vitraux ne permettent pas de voir à l'extérieur, non plus que de l'extérieur, ils ne permettent de voir à l'intérieur. Cependant, ils peuvent se regarder comme tels de l'extérieur. Soulages et Fleury ont inventé le vitrail à deux faces. Fabriquer ces vitraux de conques a demandé des années. Les regarder demande du temps. Les moines cisterciens, aux sept offices du jour, matines, laudes, etc., considèrent l'écoulement de la lumière. Les pèlerins passent du temps à conques, ils mangent, ils dorment même. Soulages nous demande non seulement d'être en chemin, mais de nous arrêter. Au moment de la commande, ceux qui ne regardaient pas ses œuvres s'étaient effrayés. On l'a entendu tout à l'heure, il va encore nous faire du noir. La réponse est là, il ne s'agit pas de noir, il s'agit de la lumière, par laquelle quelque chose, quelqu'un, vient. Cette émission a été préparée par Franck Olivard et aujourd'hui particulièrement Ilinka Negulesco, la réalisation Étienne Pertin, la technique Loïc Frapsos. Et demain, Christian Bobin s'en va en route pour Sète. Sète, c'est le lieu où depuis 1960, Colette et Pierre Soulages ont construit une superbe maison.